Ils se sont fait, en Guirlandais, ils se sont fait donner de la merde par un des membres de mise en demeure. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. On joue en ligne Marc-Olivier. Salut, Marc-Olivier. Allô, Dominique, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Parle-moi spécifiquement de ce qui s'est passé hier sur cette terrasse-là. C'est dans quel coin, première des choses, que c'est, ça s'est passé? C'est direct en face du Saint-Sulpice. C'est okay. Direct en face. Puis, on était assis. On était, moi puis deux chums, ben, Laurent puis un autre. Puis on est en train de prendre une bière, puis d'un coup, il y a une manif de rouge qui est passée avec des casseroles dans la rue. Puis là, tout le monde a levé leurs poings en l'air, puis qui ont commencé à faire du bruit, puis tout ça. Puis on était dans le sol, pas mal, sur la terrasse, à rien faire. Puis c'est là qu'on a été spotés. Puis il y a la banane anarchiste, qui était pas en banane, mais il a reconnu Laurent. Et il est venu nous parler, puis il a dit, « T'es Laurent Proulx? » Puis là, il a dit oui. Puis là, il a commencé à nous jaser ça, puis... Là, il y avait comme une mini chorale avec lui qui se promenait, là, qui sont venus autour de notre table. Comme si vous étiez des Juifs en Pologne en 1939, avec la Gestapo qui fait du porte-à-porte. T'es un Juif, je le sais, je t'ai déjà vu avec un rabbin. C'est pas beau, là.